Alright, bienvenue à l'autre monde. Je pense que c'est la dernière chose à marcher au micro. Chers auditeurs, bienvenue à votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je m'appelle François Marginan, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie. Nous sommes évidemment la fin octobre, comme vous savez, et l'automne avance. Alors nous en sommes à l'édition du 28 octobre 2010 et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio universitaire de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, cette semaine, nous avons énormément de terrain à couvrir, étant donné que la semaine passée, nous avons eu cette excellente entrevue avec John Turmel et qui nous a expliqué, en fait, le fonctionnement du système bancaire, du système monétaire et surtout, des solutions qui sont déjà en pratique, qui sont praticables et qui fonctionnent déjà à merveille. Alors, si vous avez manqué cette entrevue, je vous invite à aller retourner dans les archives sur le site de Choc FM à la page de L'Autre Monde. Et puis aller voir cette entrevue, aller l'écouter. Et vous avez évidemment aussi tout le temps, chaque semaine, les vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de L'Autre Monde qui est mise en place et travaillée par notre correspondant français, Stéphane Boutoir, que je prends le temps de remercier pour son travail et que je prends le temps de saluer nos cousins en France qui sont aussi à l'écoute de cette émission et ailleurs dans le monde. Alors, cette semaine, nous allons parler évidemment d'actualité mondiale, on va parler de terrorisme économique qui se poursuit, on parle de santé, on va parler de la vaccination H1N1 et beaucoup plus. On va peut-être même parler un petit peu là, de changement climatique. Alors, donc on va voir ce qu'on a le temps de couvrir. Là. Il y en a beaucoup au programme. Alors, sans plus tarder, allons-y. On va commencer, comme je le fais souvent, en parlant des nouvelles des grands médias, les grands médias qui continuent de piquer du nez. Vous savez, on attribue souvent la raison de cela à ces gens qui vont chercher leurs nouvelles sur Internet et puis on obscurcit tout le temps en réalité la vraie raison de ça, qui est le fait que les gens en ont marre de se faire mentir, de se faire remplir de désinformation, de propagande à la télévision par ces grands médias corporatifs qui, en grande majorité, sont seulement là pour être les haut-parleurs, finalement, du pouvoir financier, bancaire et corporatif et aussi du gouvernement. Alors, il est très difficile d'avoir leur juste. Alors, c'est pourquoi aussi vous êtes à l'émission ici de L'Autre Monde et puis que l'émission grandit sans cesse. Alors, nous en sommes aussi là. La première position, l'émission la plus écoutée sur Choc FM. Alors, merci à vous. Merci aussi de diffuser l'émission, de la faire connaître à toutes vos connaissances. Alors, voilà, c'est comme ça que la résistance s'organise. Alors, je disais que les grands médias continuent de piquer du nez. Et puis là, ici, dans ces nouvelles, il est question des médias du riche magnat, le riche propriétaire Rupert Murdoch, qui, lui, au mois de juin passé, a décidé de mettre ses sites qui représentent ces grands journaux anglais, donc en Angleterre, sous un mur payant. Alors, vous avez des grands journaux comme le Times et puis le Sunday Times qui sont devenus les premiers grands journaux nationaux de l'Angleterre à être complètement derrière des murs payants depuis le mois de juin de cette année. Alors, on espérait à ce moment-là d'essayer de freiner l'hémorragie des lecteurs, en fait, des gens qui achètent les journaux de papier en Angleterre. Et puis, c'est un échec retentissant. Seulement que quelques mois depuis cette mesure, la mise en place de cette mesure, nous avons les grands journaux, ces deux grands journaux de Times et puis de Sunday Times qui sont en chute libre. Alors, les ventes des journaux de Times ont baissé de 14,8% cette année pour atteindre le tirage de 486 868 copies. Et puis au Sunday Times, la circulation a descendu de 9,5% pour descendre à 1 091 000 et quelques copies de tirées. Alors, qui sont en baisse continue et puis les sites Internet aussi sont en baisse continue. Alors, vous voyez que ça n'a pas stimulé les gens à acheter plus ou en tout cas à cesser d'acheter ces journaux-là. Les gens, voilà, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question là, de stratégie marketing défaillante, c'est plutôt une question de gens qui sont tout simplement fatigués, qui en ont eu ras-le-bol de se faire, je dirais, se faire donner, se faire transmettre des demi-vérités, des demi-nouvelles. Beaucoup de désinformation et de propagande. Alors, voilà le résultat. Donc, c'est 765 000 visiteurs uniques que le Times a perdu sur son site Internet. Alors, imaginez, c'est énormément. On parle d'une baisse de 34,5 % juste le mois dernier. Okay? Donc, imaginez, c'est quand même énorme, là, ces chiffres-là. Donc, vous voyez que c'est une constante. Vous avez aussi The Sun. Alors, les produits qui sont en ligne sur le net ont aussi perdu 169 000 utilisateurs le mois passé seulement. Alors, imaginez les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. On parle, bon, justement, de ces propagandes, de cette désinformation qui règne partout dans les médias de masse. Et puis, c'est comique parce qu'il y a, dans les années passées, vous avez eu un mouvement pour la vérité qui s'est créé littéralement, qui a été très actif sur Internet et puis qui a réussi à défaire beaucoup de mensonges. On parle là, ici de la fausse pandémie, du H1N1, réchauffement climatique, le 911. Il y en a comme ça énormément. Et puis, c'est comique parce qu'on essayait tout le temps d'attaquer ces gens-là qui vous rapportaient la vérité sur Internet, qui sont des gens comme vous et moi, des gens sans budget, qui sont capables de trouver la vérité par eux-mêmes. Alors, on se gratte la tête, on se demande comment ça se fait que les grandes boîtes médiatiques qui ont à leur disposition des armées de journalistes et des millions de dollars pour fonctionner, ne sont pas capables de vous rapporter finalement la vérité. Okay? Donc, on les accusait de quoi pour essayer de les discréditer? Eh bien, on les étiquetait de théoriciens de la conspiration. Hein? Vous êtes bien au courant de ça. Alors, à toutes les fois qu'on parle du 911 ou qu'on parle des compagnies pharmaceutiques qui ont des liens avec l'OMS et puis les différents services de santé gouvernementaux à travers la planète, on se faisait traiter encore là de théoriciens de la conspiration. Et puis, quelques mois plus tard, on a appris de la bouche même de l'OMS et puis des enquêtes qui ont été publiées que, en réalité, ben oui, vous aviez le tiers des gens qui travaillaient à l'OMS et qui donnaient leurs recommandations sur la crise, la supposée pandémie du H1N1, qui avait des liens avec Big Pharma, les compagnies pharmaceutiques. Alors, c'est comme ça tout le temps. On se retrouve avec ces fameuses étiquettes-là qui, en réalité, ne sont basées sur absolument rien de concret. C'est complètement sans fondement. Et puis, ce n'est là en place que pour essayer d'épeurer les gens qui n'ont pas vraiment le temps de rechercher ou qui sont trop paresseux pour le faire, de ne pas écouter ceux qui vous rapportent la vérité. Alors, on les catégorise automatiquement comme étant des théoriciens de la conspiration, alors qu'en réalité, ces gens-là vous rapportent la vérité. Ou en tout cas, au moins, sont sur le chemin, ils cherchent la vérité. Hein? Donc, ne croyez pas ceux qui disent avoir la vérité, mais ceux qui la recherchent. D'accord? Alors, qui se retrouve maintenant à être les pires théoriciens de la conspiration? Ben, chers auditeurs, c'est assez comique. J'en parle aussi depuis quelques semaines déjà sur l'émission. Maintenant, les plus grands théoriciens de la conspiration, c'est qui? Ben, c'est les gouvernements et puis c'est les médias. Hein? Vous savez, on parle d'extraterrestres, on parle de soucoupes volantes, on parle d'ovnis, on parle de pandémie globale, on parle de risques d'astéroïdes qui vont s'écraser sur la planète Terre. On essaie de vous épeurer avec 2012. C'est assez spécial de voir ça. Et puis là, finalement, on se retrouve avec, dans une situation assez particulière où c'est les grands médias qui, finalement, vous rapportent sur un paquet de théories de conspiration et de trucs sans fondement. Et puis de Bin Laden qui est censé être encore vivant alors que le gars il était enterré, ça fait plusieurs années déjà. Le gars est mort, OK? Bin Laden, un ancien de la CIA qui fonctionnait sous le nom de code de Tim Osman. OK? Alors tout ça est bien documenté. Alors on vous dit que cet homme-là apparemment produit encore des vidéos pour essayer d'épeurer la population. Vous avez le gouvernement américain qui, il y a quelques semaines, ont essayé d'épeurer encore là les voyageurs de ne pas se rendre en Europe parce qu'apparemment, on était vraiment là sur le bord d'avoir une attaque terroriste. Et puis là, vous avez l'Allemagne qui est sortie pour démentir ça, qui ont accusé les États-Unis de créer finalement des peurs qui n'existent pas du tout. Cette semaine, vous avez trouvé une nouvelle sur les nouvelles internationales qui vient du Pakistan. Alors, je crois que c'est le gouvernement ou les services secrets. Vous allez voir, je n'ai pas la nouvelle directement sous les yeux, mais on a accusé encore là le gouvernement américain de créer de toutes pièces des fausses nouvelles pour essayer d'épeurer les gens, surtout à l'avenue des élections. Alors, vous voyez, c'est tout le temps de la même façon qu'on essaie de contrôler la population, c'est avec la peur. Alors, la stratégie d'attention. Et puis, vous avez le Pakistan là, qui a tout simplement accusé les États-Unis de créer des peurs pour rien, qui n'existent pas du tout. Alors, voilà. C'est quand même spécial. Et puis, écoutez, les médias pendant qu'ils sont occupés à vous faire peur et puis à vous rapporter un paquet de théories de conspiration qui n'existent pas. Eh bien, vous avez des bonnes nouvelles là, qui sont quand même disponibles. Il y en a qui sont quand même rapportées par des journaux, qui ont quand même encore une certaine once je dirais, là, de colonne, ou en tout cas, une essence là, de journalistique un peu. Et vous avez ici le Boston News qui vous rapporte que le. Tu sais, ça aussi, c'est spécial. Vous allez voir la nouvelle, là. On essaie tout le temps de vous présenter. Je dis les catastrophes, les guerres, les menaces terroristes, les amplifier beaucoup plus que la réalité. Ok? Donc, en réalité, dans le monde, on se retrouve avec beaucoup moins de terrorisme, il y a beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de conflits qu'il y en avait il y a 100 ans, il y en avait 200 ans ou que dans le passé. Et puis, on a l'impression qu'il y en a plus, hein? Donc, c'est pas vraiment une question de réalité, c'est une question de perception de la réalité maintenant. Donc, on travaille beaucoup sur la perception de la réalité. Et puis, c'est ce qui constitue la vision du monde que les gens ont. Et puis, ici, dans cette nouvelle du Boston News, on a une nouvelle comme quoi on apprend que les taux de criminalité sont en déclin. Et puis que les terroristes sont vraiment là, confus à comprendre comment ça se fait que ça se passe. Écoutez, ça a été rapporté par le Boston Globe, excusez-moi, et des AP Associated Press. Alors, les taux de crimes violents ont baissé de 5,3% l'année dernière. Imaginez, c'est une troisième baisse d'affilée en 3 ans. Donc, ça a été rapporté par les chiffres du FBI. Donc, ça a été aussi accompagné d'une baisse de 4,6% dans les crimes contre la propriété. Donc, ça aussi, c'est une baisse consécutive depuis 7 ans. Okay? Donc, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Alors qu'on vous dit qu'on a plus de crimes et puis que là, le gouvernement a besoin de sévir plus, d'instaurer des mesures d'état policier, alors qu'en réalité, on a moins de crimes. Okay? Donc, c'est quand même assez intéressant. Et puis, une autre constante aussi, c'est qu'on sait que dans toutes les périodes de crise économique, les taux de crimes augmentent alors qu'on a des grandes difficultés économiques aux États-Unis. Et puis, les taux de crimes continuent de baisser. Alors, voilà. Nouvelle assez intéressante. On a ici un rapport de Europol qui, encore là, vient nous surprendre. Vous avez cette fausse perception que les musulmans sont derrière tous les actes de terrorisme et puis que ces gens-là, ce sont des violents et puis etc., etc. Alors qu'on apprend que dans les résultats de ce rapport de Europol, que les terroristes sont loin d'être tous des musulmans, en fait, très loin de là. En fait, on a un taux de 99,6% des attaques terroristes en Europe qui ont été perpétrées par des gens qui ne sont pas musulmans. OK? Donc, imaginez, vous avez un gros 84,8% des attaques qui ont été produites par des groupes séparatistes qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun lien avec l'islam. Donc, ça aussi, c'est des données qui sont quand même vous voyez, là, à mettre sur la table et puis sur lesquelles il faudrait réfléchir un peu. Alors, vous avez seulement 0,4% des attaques terroristes entre 2007 et 2009 qui ont été attribuées à des extrémistes musulmans. Alors, est-ce que c'est vraiment ces gens-là qui sont le danger? Posez-vous des questions. Ensuite, on a ici une nouvelle qui a été rapportée par le Washington Post au mois de septembre. Ça fait quand même un certain moment. Je tenais à vous en parler. C'est apparemment, là, c'est des chiffres qui viennent des Nations Unies. Je dis apparemment parce que je trouve ça quand même assez un peu douteux, mais écoutez, on va la prendre là pour. On va la prendre pour ce qu'elle est, là. Les Nations Unies auraient rapporté que le nombre de personnes qui sont dans la faim, qui souffrent de la faim, qui ne mangent pas assez à chaque jour, est en déclin aussi. Alors, on a appris que le nombre de personnes qui ne mangent pas à la faim dans le monde a glissé sous la marque des 1 milliard de personnes. Alors, c'est la première baisse en 15 ans qu'on nous dit. Qui est attribué à la baisse des prix de la nourriture, alors que, bon, vous savez, on avait eu des augmentations, c'est catastrophique, il y a un an et demi ou 2 ans. Et puis là, vous allez voir dans les nouvelles économiques, si on a le temps de s'y rendre, que les prix de la nourriture ont recommencé à monter. Alors, ça risque de bousiller un peu cette nouvelle-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu prudent en vous disant ça. Mais voilà quoi. Donc, quand que vous avez des spéculateurs à Wall Street dans les marchés boursiers qui spéculent avec la nourriture, et surtout les denrées de base, eh bien, on pourrait vraiment parler ici de crimes contre l'humanité parce que là, on sait qu'à ce moment-là, ça a un effet direct sur les gens qui ont le moins d'argent dans le monde pour acheter les besoins de base, dont la nourriture, évidemment. Donc, vous augmentez le prix de la nourriture. Eh bien, si c'est dû à cause des mauvaises récoltes, c'est une chose, mais quand c'est dû à cause de la spéculation boursière, eh bien là, on parle carrément d'un crime qui entraîne la famine dans le monde et qui entraîne un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Alors, nouvelle à considérer aussi. Vous avez aussi une autre nouvelle qui a été publiée dans le USA Today, selon laquelle on apprend que pour la première fois, on a plus de femmes qui décrochent des diplômes, des PhD, okay? Donc qui deviennent docteurs. Alors, ça aussi, c'est une nouvelle intéressante. Alors, vous avez plus de femmes, ça c'est aux États-Unis, qui ont décroché des diplômes universitaires que d'hommes. Alors, voilà, une nouvelle aussi intéressante. Vous avez peut-être remarqué que vous aviez moins de pourriels, alors ces fameux spams qu'on appelle en anglais, vous avez ces nouvelles de Viagra et de toutes sortes de nouvelles de publicités là, qui se retrouvent dans votre boîte à courriel et qui finalement engorgent toutes les boîtes de courriel dans le monde. Pourquoi? Ben parce qu'on a en Russie des officiels de la police qui ont annoncé qu'on avait une enquête criminelle sur un roi du spam qui s'appelle Igor Guzev. Et puis cette personne a quitté, a fui le pays. Alors Guzev, qui a 31 ans, qui est une figure centrale des opérations de spamhit.com, qui eux autres sont payés pour envoyer des promotions de compagnies pharmaceutiques dans vos boîtes à courriel. Alors écoutez, depuis que cette personne-là a quitté et puis ont diminué leurs opérations, c'est vous avez une estimation ici de 50 milliards de messages par jour qui sont en baisse. Alors c'est énorme, 50 milliards sur environ 200 milliards de pourriels qui sont en circulation à chaque jour à travers le monde. 200 milliards, imaginez, c'est incroyable pareil, hein? 200 milliards, on est 6-7 milliards de personnes sur la planète, 200 milliards de pourriels qui circulent à chaque jour dans le monde. Et puis, depuis qu'on a ouvert cette enquête-là sur ce monsieur Gusev, ça l'a baissé de 50 milliards. Alors, il y a quand même 150 milliards de pourriels qui circulent à chaque jour. C'est quand même assez intéressant d'avoir ces chiffres-là. Imaginez. Une autre nouvelle impressionnante, c'est le train à haute vitesse chinois qui est devenu qui a battu le record du train du plus rapide au monde. Alors, vous avez la Chine qui a annoncé que son projet de barrage à Trois Gorges est devenu le plus gros projet hydroélectrique du monde, qui maintenant génère l'électricité à capacité maximale. Et aussi, on a cette fameuse en fait, cette fameuse technologie de train à haute vitesse là, qui fonctionne très bien en Chine. Et puis la Chine est en train de se développer, de train de devenir un pays à très haut développement technologique, alors qui est maintenant même en avance sur les États-Unis, disons-le. Une autre nouvelle assez intéressante, vous savez, la NASA qui avait largué cette genre de bombe kinétique, alors qu'il n'avait pas explosé, mais qui est entrée en impact contre la Lune, et puis on a fait à ce moment-là des photos particulière pour essayer de détecter ce que le sol lunaire comportait, que composait finalement, ce qu'il y avait en composition. Et puis, on cherchait évidemment de l'eau, et puis on avait non seulement trouvé de l'eau, mais on en a trouvé beaucoup plus qu'on pensait qu'on était capable d'en trouver sur la Lune. Alors, non seulement la Lune a de l'eau, mais elle en a beaucoup. Alors, c'est une nouvelle assez intéressante pour les projets futurs d'exploration lunaire. Alors, si on veut établir des bases lunaires, on serait probablement capable d'extraire de l'eau du sol lunaire. Alors, imaginez, quand même assez intéressant. Voilà, on a trouvé aussi de l'ammonium, du méthane, de l'hydrogène, du mercure, du sodium et puis de l'argent. C'est des nouvelles assez intéressantes. Ensuite, on a dans le même niveau spatial, on a la fin d'une ère aux États-Unis, alors que on va avoir le dernier vol. Je sais pas s'il y a eu lieu, là. C'est une nouvelle qui date de 2, 3 semaines, mais encore là, c'est ça, j'ai pas le temps de tout le temps couvrir. Alors, des fois, des nouvelles datent un peu de quelques semaines. Et puis, je ne sais pas si le vol a eu lieu. Voyez, j'ai pas eu les yeux braqués sur ça. Alors, la question est que. La fameuse navette spatiale Discovery va être mise à la retraite. On va remiser la navette. Elle a fait son lot de voyages, alors 38 vols. Et puis, ça va être son dernier. Alors, j'en parlais, ça va être la dernière mission de la navette. Et puis, après ça, on va dépendre des Russes pour aller en orbite autour de la planète. Alors, imaginez maintenant les Américains qui vont dépendre des Russes pour aller en orbite autour de la planète. Vous avez aussi un lien de Ubuntu, la version 10.04 qui est disponible, que je vous ai mis ça aussi en lien là, pour les gens qui veulent avoir un nouveau système d'opération différent que celui de Microsoft. Et puis, ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez à ce moment-là aussi l'avoir sur disque et puis tout le temps avoir votre Windows si vous voulez. Microsoft et puis ouvrir votre ordinateur sur Ubuntu de façon temporaire pour faire des trucs là, que vous voulez pas qu'ils soient vus ou ben non qu'ils soient finalement attaqués ou quoi que ce soit qui risque d'être intercepté sur votre bureau ou ben non sur Internet. Alors pour les gens qui opèrent des fois des gros budgets de compagnie ou ben non des secrets corporatifs, des trucs comme ça, ben ça peut être pratique. Et puis c'est aussi un programme d'exploitation beaucoup plus stable que Windows. Alors je vous le rends disponible. Ensuite, ici une nouvelle un peu intéressante, ça a été publié par le Lebanese Daily, alors un journal du Liban, où on rapporte qu'Israël a envahi des opérations de téléphone cellulaire Alpha, alors la compagnie Alpha, sur une période de 32 jours durant la guerre de 2006. Alors, on est capable, alors qu'on est en guerre, comme ça, d'aller trafiquer les réseaux d'information et puis les réseaux aussi de téléphone cellulaire. On l'a fait pendant plusieurs heures et puis ce qui est arrivé, c'est que vous avez les Israéliens qui se sont infiltrés dans ces réseaux de télécommunications-là et puis ont été capables d'altérer puis de manipuler les données. Alors ça, c'est assez spécial comme nouvelle et puis on peut en tirer la conclusion que finalement toutes les évidences qui sont collectées via le téléphone à travers la surveillance électronique et puis toutes les données qui sont interceptées partout à travers le monde sont maintenant tout simplement inadmissibles en cours parce que leur authenticité ne peuvent pas être garantie. Okay? Donc, c'est une conclusion là, que l'opérateur de What Really Happened a tirée. Puis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, on pourra maintenant se défendre en cours avec cela parce que vous savez, le FBI et puis différents corps policiers se servaient de ces données-là pour éventuellement, dans un procès, être utilisés pour incriminer quelqu'un qui aurait été accusé. Okay? De différents crimes. Alors, si vous avez des agences d'intelligence, du renseignement comme celle en Israël qui ont été capables d'entrer dans ces réseaux-là et puis de modifier puis de manipuler les données, ben, ça veut dire que ce qu'on récolte à travers ces programmes d'espionnage électronique, eh ben, ne sont plus valides. D'accord? Ensuite, on continue un peu dans cette lignée-là. On va verser un peu là, vers Big Brother, surveillance électronique, Internet. Vous avez ici le juge Napolitano qui a son programme aux États-Unis sur Fox News. Alors, Fox News, ce n'est vraiment pas un bon programme, un bon réseau là, pour avoir des nouvelles, mais vous avez quelques émissions qui sont absolument excellentes. Et puis, celle du juge Napolitano, écoutez, son émission est vraiment hallucinante. Il frappe dans le cœur de la bête constamment. Et puis, son émission vaut vraiment la peine d'être écoutée. Et puis, Napolitano interrogeait Alberto Gonzalez, qui avait servi sous Bush, celui qui avait autorisé d'ailleurs la torture. Et puis, il a eu sur son émission Freedom Watch. Et vous avez la vidéo que je vais vous laisser sur les nouvelles internationales. Et puis, on a ici là, la confirmation que le gouvernement a déjà des programmes informatique pour espionner sur tous les réseaux qu'on appelle là, social networking, alors les réseaux d'échanges sociaux comme Facebook et puis tous les autres, MySpace, etc. Alors, on a la confirmation que le gouvernement espionne les gens qui sont sur ces réseaux-là et puis qui échangent bien souvent de l'information personnelle. Alors, si vous mentez, vous écrivez sur de la niaiserie, ben, c'est correct. Je veux dire, à ce moment-là, ces gens-là récoltent de la fausse information. Sauf que, je veux dire, si ces gens-là voulaient, par exemple, récolter l'information sur les gens que vous connaissez, les réseaux d'amis, bon, sur vos activités, vous savez, Facebook enregistre toutes vos allées et venues sur Internet. Alors, même si vous écrivez des conneries sur Facebook, Facebook enregistre quand même toutes vos allées et venues sur Internet et puis on emmagasine ça pendant des années. Même si vous fermez votre compte, même si vous ne vous êtes pas connecté à la plateforme, on suit quand même vos allées et venues. Alors, c'est quand même une invasion assez considérable de votre vie privée. Voilà, confirmation de ça. Vous savez, les États-Unis aussi qui ont lancé un troisième test de préparation. En fait, on se prépare, on fait des tests de préparation qui s'appellent Cyberstorm No. 3, alors numéro 3, contre des cyberattaques éventuelles. Et puis, en réalité aussi, bon, on se pratique à faire aussi des attaques et à contrôler la grille électronique d'Internet. Alors, ça a été rapporté par AFP. Donc, on utilise l'Internet et puis on se prépare comme ça. Vraiment, on est en train d'établir un poste de commandement au Pentagone pour avoir des équipes, une armée, carrément, là, une division militaire sur Internet. Et ça se passe en coopération avec une douzaine de pays aussi qui ont participé à ces cyber-exercices. Alors, on a simulé des attaques et puis on essaie de se défendre. Et puis, en réalité, aussi, on se demande pas si on pratique, si on ne pratique pas aussi d'autres techniques plus secrètes, donc d'invasion de site Internet et puis même de pouvoir avoir la capacité de fermer l'Internet de façon temporaire. Alors, une autre nouvelle ici qui parle de l'espionnage gouvernemental américain sur Facebook. Alors, ça aussi, là, ça vient d'Electronic Frontier Foundation qui a obtenu des documents qui ont montré que les gouvernements utilisent deux façons de suivre, de traquer les gens sur l'Internet. Là, ça aussi, c'est spécial. Alors, deux façons de le faire. On ouvre des portes, des backdoors. OK? Alors, on suit les gens comme ça. Et puis, vous avez le gouvernement aussi qui crée des faux profils sur ses réseaux sociaux. Et puis, à ce moment-là, on crée des faux liens d'amis, c'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui opère sous, mettons, Johnny Cash, là, tu sais, il se fait, le gars, il se fait, le gouvernement se fait un faux profil, et puis après ça, se met ami avec différentes personnes, et puis on essaie d'intercepter de l'information de cette façon. Alors, vous avez même une autre nouvelle ici qui parle qu'on a poussé des agents fédéraux à se faire ami avec différentes personnes sur des réseaux sociaux. Alors, ça s'était révélé par un mémo gouvernemental, alors, des documents gouvernementaux. Donc, quand même assez intéressant. Et une autre vidéo ici du gouvernement qui espionne via Facebook. Alors, encore là, ici, vous avez une note de Michael Rivero de What Really Happened qui écrit que lui, selon lui, ce n'est une façon pour le gouvernement d'essayer d'épeurer les gens, d'intimider les gens. Lui, il pense que c'est une technique de propagande pour essayer de décourager les gens de communiquer avec les uns les autres. Et quand c'est une genre de guerre psychologique pour que les gens dépendent sur dépendent des grands médias, finalement, comme ABC, CNBC, CNN, CBC. Alors, on sait que vous avez au-dessus de 300 millions d'Américains qui sont très, très, très, très, très fâchés en ce moment, qui ne sont vraiment pas contents de ce qui se passe dans leur pays. Et puis que là, on essaye finalement d'intimider les gens en les faisant glisser dans un espace mental où on craint que des agents fédéraux les espionnent. Son argument, c'est que 99% de ce que les gens mettent sur Facebook sont des clips de d'autres sources. Alors, lui, il dit qu'il y a beaucoup trop d'informations pour essayer de faire des corrélations. Sauf que, bon, je dirais qu'il y a peut-être un bon point là. C'est sûr qu'il y a tout le temps une facette de ça qui est essayer d'intimider les gens. D'un autre côté, moi, je pense que ça peut quand même aussi rapporter de l'information qui a une certaine valeur, surtout si on cible certains dissidents politiques. Alors, si on cible certains dissidents politiques ou certains groupes de dissension, alors à ce moment-là, on est capable d'arriver sur leur page Facebook et puis de quand même faire les liens et de voir qui les fréquente, voir le volume et puis de voir à peu près quel genre de personnes rôdent autour de ces groupes-là. Alors, ça peut être aussi quand même très pratique et puis de l'information intéressante pour des groupes du renseignement comme la CIA, la NSA et puis d'autres groupes du genre. Voilà, donc un bémol pour ça. Quoique, je dis pas qu'il y a totalement tort, je dis quand même que l'information qui s'y retrouve sert à ces gens-là, alors des groupes du renseignement, des agences du renseignement. Google, qui, selon un commissionnaire d'une enquête ici au Canada, a trouvé Google coupable de brèche dans les lois de la finalement les lois qui protègent la vie privée. Alors que Google circulait dans les rues avec ses fameuses caméras qui interceptent aussi les codes d'accès, alors les passwords, OK, les adresses de courriel, de l'information personnelle qui est disponible dans les réseaux sans fil. Alors, Google, en circulant dans les rues, en prenant ses fameuses vues pour servir dans son site Google Earth, intercepter aussi de façon illégale toutes sortes de données comme ça qui sont personnelles, des données qui sont privées. Alors imaginez Google reconnu coupable. Alors voilà. Ensuite, en Angleterre, on dit ici dans cette nouvelle qu'en Angleterre, on va intercepter tous les courriels et puis les informations qui circulent sur les sites Internet et qui vont être emmagasinées par le gouvernement. Alors, Big Brother, encore là, qui a revivé un projet controversé à la Big Brother. Et puis ça avait été tué dans l'œuf et puis c'est revenu, ça a été remis sur les tablettes, ça c'est rapporté par le Télégraphe. Alors on va même permettre aux services de sécurité puis de la police d'espionner sur les activités de chaque Britannique dans leur utilisation de téléphone et puis sur l'Internet. Alors wow. L'État de surveillance, l'État policier, l'État totalitaire, tyrannique qui s'installe de plus en plus. Ensuite, ici, vous avez la CIA qui finance un programme qui s'appelle Predictive Behavior. Alors, on essaye de prévoir le comportement des gens. Alors, on va utiliser les données sur Google, évidemment, et puis sur tout le reste de l'Internet. Et on va essayer de partir des programmes comme ça pour essayer de cibler des gens. Alors, on va utiliser des données qui viennent de Facebook, de Twitter, de Flickr, YouTube, et puis des entrées sur des blogs qui vont être exploitées par des algorithmes d'ordinateur là, extrêmement puissants et qui seront ensuite transformés en données qui vont être, on dit là en anglais, qui vont être des données qui vont être capables d'utiliser par des groupes, des agences de renseignement sur lesquelles on peut prendre des actions. Alors, vous voyez là des tendances assez lourdes. Et ici, vous avez aussi des gens aux États-Unis, des sénateurs qui sont en train aussi d'essayer de s'accaparer plus de pouvoir pour fermer l'Internet et puis fermer différents sites Internet aussi dans d'autres pays. Ça va être rapporté par AFP. Alors ça, c'est un projet de loi qui a été introduit au Sénat américain qui donnerait beaucoup plus de pouvoir encore là aux forces policières, aux autorités américaines pour finalement carrément fermer des sites Internet qui, on dit, qui s'engageraient dans la piraterie de films et puis de télévision et de musique. Sauf qu'on se donne le pouvoir d'intervenir même à l'intérieur de des pays étrangers. Okay? Donc, vous voyez là encore là les pouvoirs totalitaires qu'on essaie de se donner. Une autre nouvelle ici rapportée par The New York Times où on apprend que le Pentagone va maintenant aider le Homeland Security, alors le département de la sécurité intérieure des États-Unis pour combattre les cyberattaques domestiques alors de l'intérieur. Alors, imaginez, c'est l'administration Obama qui a adopté des nouvelles procédures qui vont utiliser le département de la Défense et puis toutes ses capacités pour avoir plus de capacités dans la guerre contre, en fait, la cyberguerre qu'on pourrait appeler. Alors, là, on se retrouve encore là, on est en train de naviguer dans des eaux historiques où c'est qu'on est en train de piler, de cracher puis de brûler tout simplement le Pussy Comitatus aux États-Unis qui interdit les militaires de s'introduire et puis de finalement d'avoir quoi que ce soit dans la vie publique, dans la vie civile aux États-Unis. Alors, vous avez maintenant les militaires qui vont rentrer en action en sol américain, puis qui vont avoir différents rôles à jouer. Alors, nouvelle encore là, très inquiétante. Vous avez aussi, ça aussi, des nouvelles. Il y a tellement de nouvelles renversantes. Ça a été rapporté par The Denver Channel, où c'est qu'on apprend que des personnes innocentes ont été placées sur la watch list, alors la liste de surveillance, pour rencontrer certains quotas. Alors, ça, c'est des air marshals qu'on appelle, alors des autorités sur. En fait, aux États-Unis, OK? Donc, on apprend ici, ça a été rapporté par Seven News, l'identité de personnes qui ont été cachées pour ne pas être révélées. Donc, on parle ici de personnes qui révèlent la vérité, là, qui, bon, tout simplement, là, qui révèlent que si vous ne rapportez pas des personnes à surveiller, alors on a des quotas, OK, à remplir. C'est incroyable. C'est pas parce que une personne est responsable de quoi que ce soit qu'elle ne se retrouvera pas sur la watch list. Alors, vous avez une tonne de gens innocents qui se retrouvent là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on ne donnera pas d'augmentation de salaire ou de bonus ou de récompense ni de mission spéciale à ces gens-là. Alors, à ces autorités-là, s'ils ne rapportent pas un certain nombre de personnes. Alors, vous retrouvez finalement avec des listes de surveillance aux États-Unis qui sont complètement inutiles parce qu'on se retrouve avec, écoutez, là, environ là, au-dessus de 1 million de personnes sur ces listes-là, OK? Donc, vous avez peut-être la moitié de ces noms-là qui se retrouvent sur ces listes-là qui ne se retrouvent là pour absolument aucune raison, tout simplement parce qu'on a des quotas à remplir. Alors, après ça, vous passez les frontières et puis vous êtes retenu là, vous êtes l'objet de fouilles. Pourquoi? Parce que votre nom se retrouve de façon tout simplement erronée sur ces listes, complètement débile. Vous avez aussi le DHS, le Homeland Security, qui vise à établir un état policier à travers encore là, des listes de surveillance de la terreur. Et on essaie de rentrer dans tous les aéroports, ces fameux scanners corporels, mobiles même, OK? Donc, voyez là qu'on continue d'instaurer encore là de plus en plus de mesures autoritaires comme ça, tyranniques dans ce pays. C'est vraiment incroyable. Donc, allez voir ça, des nouvelles mesures qui vont être mises en place aussi à partir du 1er novembre. Où on voit des nouvelles mesures qui vont donner encore plus. Ça s'appelle Secure Flight. Alors, vous avez les Européens qui vont même devoir demander permission, donner toutes leurs données personnelles aux autorités américaines avant d'être autorisés à voler aux États-Unis. N'est-ce pas incroyable? Et puis, c'est pas seulement les voyageurs, les personnes innocentes qui ont des problèmes avec ça. Vous avez même des pilotes aux États-Unis qui ont des problèmes même à tout simplement passer les lignes puis à aller travailler, donc à piloter les avions. Vous avez ici cette nouvelle qui est sortie la semaine passée. D'un pilote qui a été finalement là, écoutez là, on voulait faire passer ce pilote-là dans ces fameux scanners corporels qui sont tellement dangereux qu'ils vont vous donner le cancer et puis qui dézippent votre chaîne d'ADN. Imaginez, c'est quand même assez incroyable. Alors, vous avez très, très, de très bonnes raisons de refuser de passer à travers ces fameux scanners-là. Alors, encore jusqu'à aujourd'hui, on a la possibilité de les refuser, sauf que si vous les refusez, on vous fait quasiment passer pour un criminel ou pour un salaud, c'est-à-dire que vous avez ce pilote-là que lui a refusé de passer à travers le scanner corporel, a choisi finalement la fouille manuelle. Et puis, ce qu'on fait, ben, c'est que vous avez l'agent de la TSA aux États-Unis qui, dès que vous avez quelqu'un qui refuse de passer à travers ces fameux scanners corporels-là, lui se met à crier à haute voix, tue-tête, OK, quelqu'un qui vient de refuser, quelqu'un qui vient de refuser, quelqu'un qui vient de refuser, alors que c'est lui-même qui, après ça, va donner la fouille manuelle. Alors, il n'a même pas besoin d'annoncer à haute voix à qui que ce soit d'autre que quelqu'un a refusé de passer dans le scanner corporel. Alors, vous voyez carrément que c'est une tactique pour essayer d'intimider les gens. C'est vraiment là pour intimider les gens. Et puis là, on a donné, écoutez, là, on a donné bien du trouble à ce fameux pilote-là qui s'est fait arrêter à deux reprises avant de pouvoir atteindre son avion s'est fait questionner, on le traite quasiment d'une façon suspecte, comme si c'était un potentiel terroriste, là. Je veux dire, comment ça se fait que vous avez refusé de passer à travers le scanner, hein? Vous avez-vous un problème mental? Vous avez refusé, vous avez osé refuser de passer à travers le fameux scanner corporel. Ah, vous êtes vraiment bizarre. Alors, les pilotes même ont des problèmes. Imaginez, les pilotes même. Donc, vous avez ici une nouvelle de Natural News qui, lui, vous explique comment, finalement, refuser de passer à travers ces fameux scanners-là qui sont carrément dangereux, qui sont cancérigènes, des taux de radiation inacceptables. Alors, vous passez à travers ça et puis on vous donne des petites doses des radiations qui finissent par vous donner le cancer. Donc, on vous donne des trucs ici, mais je veux dire, c'est assez incroyable. C'est vraiment, écoutez, si vous avez peur d'être humilié, allez-y, là, essayez de prendre une chance de prendre le cancer, mais je veux dire, c'est certain que si vous refusez, on va essayer de vous humilier, là. On va vous donner une petite fouille manuelle, on vous poigner parti, on vous mettre la main dans la craque des fesses, et puis on touche les seins, les femmes, je veux dire, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est soit ça ou ben non, vous allez donner votre photo et puis ces fameux connards-là qui sont désolés de vous appeler comme ça, mais je veux dire, écoutez, les gens qui travaillent à la sécurité, là, vous faites un job un peu maléfique, là, réellement, là. Il y a peut-être d'autres ouvrages que vous pouvez faire au lieu de faire ça dans la vie, là, hein? Je veux dire, vous participez à de quoi d'assez tyrannique. Et puis, vous passez à travers ces scanners corporels-là, et puis, même vos enfants, votre femme, et puis on vous voit nu, on vous voit carrément nu. Je veux dire, l'image de rayon X est tellement précise que, je veux dire, on voit pas la couleur de la peau, mais on voit tous les contours de façon très visible là, du corps. Alors, c'est vraiment indécent. C'est vraiment indécent. Alors, vous avez ici en Angleterre, dans une autre nouvelle, où on apprend que vous avez des gens qui sont quand même importants. On parle ici là, des dirigeants de différentes compagnies aériennes britanniques qui ont demandé de justement aux autorités de relaxer un peu, là, d'essayer d'éliminer des contrôles de sécurité qui sont redondants à l'aéroport, qui finalement font en sorte qu'il y a de moins en moins de passagers. Puis ça, c'est correct. Je veux dire, ça fait plusieurs aussi mois que je demande à tous ceux qui voyagent de cesser de voyager, ou en tout cas de cesser de voyager vers les pays qui sont les plus débiles à ce niveau-là. Et puis qu'à un moment donné, les taux de tourisme et puis de gens qui achètent des tickets d'avion vont avoir baissé suffisamment, ben à un moment donné, ceux qui vont réclamer que ces mesures complètement débiles-là descendent, en fait, qu'ils soient modifiés, ben ça va être ceux qui en souffrent le plus, c'est les compagnies aériennes encore. Alors, quand les compagnies aériennes vont perdre suffisamment d'argent, c'est eux autres qui vont mettre le plus de pression contre ces mesures totalitaires, ces mesures réellement, là, je veux dire, tyranniques à l'aéroport, je veux dire, qui ne servent pratiquement à rien, réellement, là. Je dis ça, pourquoi? Ben, parce que vous avez des tests qui ont été faits à différents aéroports américains où vous avez 75% des fausses bombes. On fait des tests comme ça. Là, on passe des fausses bombes pour voir vraiment le niveau de sécurité des aéroports. Puis 75% de ces fausses bombes-là passent pareil. Le faux terroriste là, qui avait passé à Amsterdam, qui était supposément censé faire sauter un avion là, aux États-Unis à Noël dernier. Lui aussi était passé à travers un de ces fameux scanners corporels-là, puis on n'a même pas pu détecter sa bombe. Alors, vous voulez vous me dire à quoi ça sert réellement, là? Alors, attendez-vous à ce que la fausse Al-Qaïda, là, hein, Al-Qaïda, coup de coude, clin d'œil, là, je veux dire, la fausse Al-Qaïda, on peut s'attendre à ce que on ait des fausses attaques comme ça en Angleterre, parce que là, on ose demander une diminution des mesures de sécurité dans les aéroports. Donc, gardez ça à l'œil. Ensuite, ben, vous voyez encore là, comme je vous parlais de ces ces gens de la sécurité, je veux dire, ces gens-là se retrouvent avec des pouvoirs absolument inacceptables à l'aéroport sur notre vie privée. Et puis, d'ailleurs, ici, vous avez une nouvelle de CNN où on apprend que vous avez justement un de ces agents de la surveillance dans les aéroports, alors des agents de la sécurité aux États-Unis, la TSA, qui lui a été jugé coupable d'être entré en conspiration avec d'autres personnes à l'aéroport, d'autres agents de sécurité. Et puis, cette personne a été reconnue coupable d'avoir volé sur trois comptes d'accusation. Volé, je veux dire, volé quoi? Volé de l'argent, volé des biens, des personnes. OK, alors complètement débile, je veux dire, cette personne-là qui avait volé de l'argent à des passagers, alors puis on demande après ça la coopération des autres agents de sécurité, parce que lui était à la tête de l'équipe là. Alors il dit, si tu veux pas être perdre ta tu veux pas perdre ta job, mon grand, ben ferme tes yeux là. Puis ce gars-là, ben il a encaissé je sais pas combien de centaines de dollars par jour, par semaine, je veux dire, donc voilà, sur le dos des voyageurs, pour supposément protéger les gens. Alors, voilà, on essaie on dit qu'on veut protéger les gens, mais après ça, on les vole. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, tous ces abus, ce harassement, toutes les fois que vous voulez prendre l'avion, et puis finalement, qui sont les criminels? Ben, c'est les gens de la sécurité qui sont là-bas. Alors, bien sûr, il faut faire attention de ne pas généraliser, mais il suffit qu'il y en ait un. Et on essaie de vous garder, supposément, hein, bon, on essaie de vous protéger de Osama Bin Laden et puis son groupe de l'Al-Qaïda, qui lui est mort depuis 9 ans, qui finalement, ben, on se retrouve avec qui sont les criminels. C'est les gens même à l'aéroport. Voilà. Vous avez aussi une autre nouvelle ici des autorités fédérales qui irradient les Américains, finalement, avec justement ces gros scanners X-ray là qui sont dommageables, alors dans ces points internes de surveillance. Alors vous avez une nouvelle à trouver là-dessus. Et non seulement ça, on a, comme je vous disais dans une émission précédente aussi, c'est qu'on a des vans aux États-Unis, des camions avec de l'équipement comme ça, de rayons X, et puis on circule dans les rues, et puis on scanne les voitures, et puis éventuellement même les maisons. Et évidemment que vous avez des taux de radiation assez élevés, et puis bon, on scanne tout le monde comme ça, on irradie tout le monde, supposément pour plus de protection. Alors, un président américain qui disait que ceux qui abandonnent leur liberté pour plus de protection n'obtiennent ni l'une ni l'autre, alors, et puis ne méritent ni l'une ni l'autre. Alors, réellement, là, plus de perte de liberté n'égale jamais plus de sécurité, OK? Ça égale tout le temps plus de tyrannie, et puis on en a une vision très claire. Vous avez ici une autre nouvelle qui n'est pas mauvaise. On disait comment s'opposer à ces fameux scanners-là. Ben, c'est peut-être pas d'écrire aux autorités en place, parce que les autres, ils se foutent carrément de vos courriels, de vos lettres. Ben, c'est plutôt d'envoyer vos lettres à des gros joueurs, comme ici on suggérait à Walt Disney. Alors, vous avez cette personne-là qui écrit une lettre à Walt Disney disant que, de leur demandant poliment, là, d'essayer de trouver une solution, parce que là, on n'ira pas visiter Walt Disney s'il faut qu'on passe à travers ces gros scanners corporels qui sont potentiellement cancérigènes. Alors, la personne dit, écoutez, c'est bien de valeur, j'aimerais ça amener mes enfants et puis dépenser mon argent chez vous, Walt Disney, c'est très beau, sauf que là, j'irai pas, parce que pour moi, il n'est pas question que je passe à l'aéroport, puis que je passe à travers de ces scanners-là, et puis que des gros agents de la sécurité là-bas voient ma femme tout nue. Alors, ça risque justement, potentiellement, un peu comme les compagnies aériennes, là, de mettre plus de pression sur ces compagnies-là qui, elles, à leur tour, vont mettre de la pression sur les autorités, autant aux États-Unis que dans nos pays, pour justement retrouver un certain sens, tu sais, un certain bon sens, si on veut, là, hein? Donc, c'est probablement une bonne idée. Vous avez ici plusieurs nouvelles. Mon Dieu, que le temps passe vite. Hey, pas savoir le temps de couvrir tout ce que je veux, mais écoutez, je vais lire quelques nouvelles assez, je dirais, assez surprenantes. Ok, des affaires qui se sont passées, surtout aux États-Unis, mais peut-être à d'autres places aussi dans le monde, qui, vous allez voir là, illustrent très bien la dérape dictatoriale, la dérape totalitaire qui est en train de s'opérer aux États-Unis puis un peu partout dans le monde. Des exemples qui sont quand même assez curieux, vous allez voir là. Ici, c'est une descente du FBI qui s'est produite il y a quelques semaines aux États-Unis chez des activistes anti-guerre, OK? Qui sont assez particulières, parce que ces gens-là participaient à des groupes qui sont anti-guerre. Alors, on est vraiment là descendu sans aucune raison particulière chez des gens, des dissidents politiques, des gens qui sont pour la paix, pour les intimider, simplement. On est arrivé là, défoncer les portes, je veux dire, vraiment des tactiques d'État policier vraiment, vraiment incroyables, qui sont venus oblitérer les droits démocratiques d'une société comme les États-Unis, qui inclut aussi le droit à la liberté d'expression et puis à la liberté d'association politique, qui tranquillement est en train d'être démantelée aux États-Unis. Alors, vraiment particulièrement, on est arrivé dans les maisons de ces gens-là, on a fait des fouilles, seulement parce que ces gens-là, écoutez, ont participé à des organisations contre la guerre. Tout simplement, là, je veux dire, j'essaie pas de twister l'information pour faire paraître ces gens-là comme étant des victimes. Ces gens-là sont vraiment des gens innocents qui n'ont rien, absolument rien fait de mal. Alors, on est arrivé chez ces gens-là, on a saisi des documents, des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des caméras, puis d'autres trucs personnels et puis de matériel politique. Vraiment de quoi là, vous faire sourciller, quoi. Donc, allez voir ça. Ensuite, ici, vous avez un informateur du FBI qui a divulgué une fausse attaque terroriste dans le Bronx. Alors, ça aussi, c'est assez spécial. C'est de l'information assez choquante qui est venue à propos de Shahed Hussein, qui était un informateur du FBI, qui, lui, est pris au cours d'un processus judiciaire en ce moment. Et puis, on apprend que finalement, cette personne-là avait été poussée par le FBI à assister à des camps d'entraînement terroristes au Pakistan. Okay? Alors que cette personne-là se retrouvait sur la liste de paye du FBI. Alors, voilà qui est assez particulier. Vous voyez là que justement les menaces terroristes, là, on dit tout le temps que c'est des musulmans, mais bien souvent, elles viennent de l'intérieur même des intestins, des services secrets de différents pays. Alors, quand même particulier comme truc, allez voir ça. Vous avez aussi d'autres informations confidentielles qui ont été révélées d'un autre homme qui a été accusé là de complotage pour faire une attaque à la bombe dans une synagogue de New York qui a testifié que le FBI l'avait envoyé à des camps d'entraînement du Pakistan en 2008. Alors, voilà. Donc, ensuite, vous avez une autre nouvelle assez particulière. Ça a lieu en Alaska, alors que vous aviez des élections là-bas. Et puis, vous avez une des personnes, un certain Joe Miller, républicain, qui, lui, avait engagé, écoutez bien ça, des gardes, okay, des gardes de sécurité, comme gardes privés, alors que ces gens-là étaient encore des militaires actifs. Imaginez. Et puis là, dans une convention, alors que vous aviez des journalistes qui demandaient des questions assez serrées, assez dérangeantes à ce candidat Joe Miller, vous avez des journalistes, en fait un journaliste qui a été arrêté par ces fameux gardes privés qui étaient en fait des militaires encore actifs, OK? Et on a arrêté, puis on a menotté ce journaliste-là, et puis on a menacé d'autres journalistes de quitter la place, comme quoi que la place avait été louée par ce candidat-là. Alors, vraiment spécial. Alors, regardez là, vraiment ce qui se passe. Vous avez une autre nouvelle ici, assez inquiétante, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où on apprend que des enfants vont être chippés dans leurs vêtements. Alors, vous avez des enfants, des écoliers là-bas qui sont obligés de participer dans un programme qu'on appelle Smart Badge, et on va mettre des chips RFID dans leurs vêtements pour qu'on puisse les suivre en tout temps. Alors, vraiment particulier. Alors, allez voir ça, cette nouvelle-là, c'est complètement décoiffant. Ensuite, vous avez un autre Américain qui, lui, est associé à ce qu'on appelle un groupe, une organisation qui s'appelle The Oath Keepers. Alors, ceux qui veulent préserver, comment qu'on appelle ça? Vous avez, quand vous prêtez serment, bon. Alors, vous avez les gens les militaires qui s'enrôlent dans l'armée, prêtent serment de défendre la Constitution des États-Unis et non le gouvernement, OK? Donc, on prête serment pour défendre la Constitution. Et puis, vous avez une organisation qui a décidé de réaffirmer ça, c'est-à-dire que nous, si le gouvernement nous demande de prendre des actions tyranniques à l'intérieur même des États-Unis, qu'on ne va pas obéir, on va, nous autres, obéir à notre serment qui, lui, est loyal à la Constitution et non au gouvernement. Donc, c'est loin d'être un groupe terroriste, un groupe très pacifique, je veux dire, rien de dangereux là. Et puis, ce gars-là avait participé à une rencontre ou quoi que ce soit. Son nom s'était retrouvé sur une liste à quelque part. Et puis, le gouvernement est venu saisir son bébé qui venait juste de naître parce que ses parents avaient certaines croyances politiques. Alors, imaginez, depuis on a rendu l'enfant à la famille, vous allez retrouver les documents ici là, de saisie authentique là, disponibles. Et puis, vous allez voir que le gouvernement même commence à descendre. justement à punir la dissidence politique aux États-Unis. Alors, boum, ça, c'est vraiment là, c'est très, très inquiétant de voir ce qui se passe. Alors, vous allez trouver même des vidéos. Un autre truc assez troublant, j'ai parlé un peu de ça aussi dans les émissions précédentes, c'est les fameuses fuites de WikiLeaks et son gérant, son propriétaire, si vous voulez, qui s'appelle Julian Assange. Qui lui a révélé cette semaine encore plus d'informations sur la guerre criminelle en Irak. Et puis, sous le couvert de libérer de l'information, il y avait un fond derrière ça qui était un peu douteux. Et puis, c'est pourquoi que beaucoup de personnes se posent des questions sur vraiment les motifs réels et puis les associations réelles de WikiLeaks, alors qui avait l'air finalement de quoi de bon, parce qu'on dénonce, le gouvernement dénonce on dénonce des affaires officielles, sauf que on apprend maintenant que dans tous ces documents-là qui ont été rendus publics par WikiLeaks, on essayait de lier la mortalité de beaucoup de soldats américains en Irak et aussi la résistance à l'Iran. Okay? Donc on essayait de lier ça à l'Iran. Et puis, on dirait qu'ils se sont fait un peu prendre à leur jeu parce que ce qui est arrivé, c'est que la communauté internationale n'a pas vraiment fixé là-dessus et puis ont seulement regardé aux évidences supplémentaires comme quoi que les Américains ont utilisé la torture et puis ont commis des crimes de guerre en Irak. Alors, ça, c'est intéressant à ce niveau-là, dans le sens que les gens ne tombent pas dans le piège. Sauf que moi, je vous rapporte ça dans le sens que garder un esprit très critique par rapport à Julian Assange et puis WikiLeaks, on a plusieurs raisons de croire que WikiLeaks est plutôt une opération de propagande en lien avec les services secrets et George Soros, tel que rapporté aussi par Webster Tarpley. Vous avez une vidéo ici très importante, Webster Tarpley, qui, je crois, est un ancien, là, qui a travaillé pour des agences du renseignement aux États-Unis, si je me rappelle bien, qui est journaliste maintenant. Donc, l'information très solide à aller voir. Beaucoup de raisons de croire que WikiLeaks est une opération de propagande pilotée à distance par la CIA et différents intérêts comme George Soros. Alors, d'autres raisons aussi de croire ça, c'est que le fameux Julian Assange a déclaré que le 9-1 n'était pas une conspiration gouvernementale ou quoi que ce soit, et que justement, on ne devait pas perdre notre temps avec ça. Alors, vraiment incroyable, quand alors qu'on a toutes les preuves qui continuent de s'accumuler, que c'est vraiment un inside job des services secrets américains et israéliens. Alors, voilà, donc allez voir ça, plusieurs vidéos. Et puis aussi les documents officiels, allez voir. Vous avez aussi les États-Unis, puis les Britanniques qui sont pris de plus en plus dans cette toile de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été commis en Irak avec toute cette torture qui a été permise et puis qui a été commise. Okay? Alors, c'est quand même ça aussi qui n'a pas perdre de vue. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de nouvelles. Vous avez même aux États-Unis, c'est rapporté par Euronet, qui par un vote, vous avez les cours américaines qui ont donné le OK à la torture et puis la rendition extraordinaire. Alors, c'est officiel maintenant aux États-Unis, la torture puis les renditions extraordinaires. Et puis qui maintenant fait partie de la jurisprudence américaine. Alors, on est en train de simplement légaliser ça. Vous allez trouver les documents en lien en PDF. Les documents officiels de la Cour d'appel du 9e circuit des cours aux États-Unis. Alors, vous voyez, quand même assez incroyable. Vous avez aussi un groupe qui a demandé à ce qu'il y ait des enquêtes qui soient ouvertes sur le Homeland Security par rapport à la longue histoire de l'étiquetage des Américains comme étant des terroristes. Alors, vous voyez, on étiquette aussi de plus en plus les Américains comme étant des terroristes. Ça aussi, c'est assez incroyable. Je veux dire, vous avez vraiment là, ben, c'est incroyable. Ça fait des années que j'en parle. Là. Je veux dire, on va commencer par appeler l'Al-Qaïda les terroristes. Après ça, c'est musulmans. Après ça, oups, là, ça peut être à peu près n'importe qui. Puis là, finalement, c'est les Américains. Donc, finalement, on est en train d'étiqueter tous les Américains comme étant des potentiels terroristes. OK? C'est tout simplement là, vous avez là des centaines d'exemples comme ça du Homeland Security qui ont étiqueté les Américains comme étant des terroristes. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis, pour mettre la cerise sur le dessus du sundae, mais vous avez une compagnie en plus qui a été engagée qui s'appelle The Institute of Terrorism Research and Response, qui est une compagnie israélienne. Alors, c'est incroyable. Vous avez une compagnie étrangère israélienne qui, elle, gère le système de surveillance. OK? C'est incroyable. Qui gère des réseaux de surveillance qui surveillent des Américains qui sont totalement légitimes et puis des gens qui sont complètement innocents. Alors, ça aussi, là, c'est absolument inquiétant, OK? Donc, vous avez l'FBI ici qui ont complètement inventé des menaces pour s'infiltrer dans un rallye pour la paix aux États-Unis, qui a menti au Congrès pour justifier ses activités d'espionnage. Alors, voyez qui sont réellement les vrais terroristes, là. C'est complètement débile. Vous avez aucun ici, aucun regard, je veux dire, vraiment. On ne se fait aucun souci finalement pour la vie humaine, alors que vous avez des cours à DC dans le district de Columbia aux États-Unis qui ont décidé, qui ont rendu un jugement comme quoi que les officiels américains peuvent torturer puis tuer ce qu'on appelle des ennemis combattants. Et puis on essaie même de couvrir ces faits-là rapportés par le Rooknet. Alors, il suffit de vous étiqueter d'ennemis combattants, et puis après ça donne le droit apparemment aux officiels américains de vous torturer et de vous tuer. Alors, n'est-ce pas absolument fantastique? Alors, bienvenue aux États-Unis du 21e siècle. Wow, c'est à couper le souffle. Alors, vous avez ici une liste des prisonniers à Guantanamo qui demeurent encore sur place. Alors, allez voir ça, disponible. On a retrouvé un sac d'explosifs de C4 de grade militaire dans un cimetière à New York. Allez voir ça, une vidéo complètement débile. Et puis, on va compléter cette heure de nouvelles de l'actualité avec un dossier assez particulier. C'est la perte du vote du Canada à l'ONU, hein, recul de sa renommée internationale. Ça a été rapporté dans une trolley, là, de paquets de médias ici et puis à l'international. Et puis, vous avez la piètre performance internationale du Canada sur la question des changements climatiques conduits. On s'en fout carrément, tant qu'à moi. La réduction de l'aide versée à certains États africains, son soutien aveugle envers Israël, ont été cités comme des facteurs ayant nui à sa candidature pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça s'est passé le 12 octobre dernier. Et puis, on a appris que le Canada a échoué à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Après être arrivé en dernière place lors des deux derniers tours du scrutin, le Canada a retiré sa candidature, laissant le Portugal être nommé au cinquième et dernier siège disponible. C'est la première fois dans l'histoire de l'ONU que le Canada ne réussit pas à remporter un siège au Conseil de sécurité alors qu'il prend part à la course. Beaucoup pensent que cette défaite est le reflet d'une renommée internationale ternie suite à la politique étrangère du gouvernement actuel. Je dirais que aussi c'est dû à la participation du Canada en Afghanistan, et puis je veux dire, on joue le rôle du défenseur d'Israël, peu importe, là, je veux dire, on a défendu, des fois on était même la seule nation au monde à défendre les actions israéliennes contre, par exemple, l'attaque de la Flotille de la Liberté, les dernières attaques sont passées aussi contre la bande de Gaza, ainsi de suite. Alors réellement, là, le Canada, là, ça fait pitié, puis on commence à se ressentir. Alors, vous avez une série d'articles à aller voir là-dessus, absolument intéressants, là, je veux dire, où on voit que le Canada a pris vraiment une gifle dans les gencives, là, littéralement. C'est le Canada qui est habitué d'être vu comme étant un pays neutre, et puis là, bouf, on a été exclu du Conseil de sécurité de l'ONU. Ben oui, on est rendu des petits guerriers G.I. Joe commence à se battre un peu partout à travers le monde. Je veux dire, on est rendu vraiment là des bellicistes. C'est vraiment incroyable. Donc, vous avez des spécialistes de l'ONU aussi qui ont rejeté l'affirmation du gouvernement selon laquelle les commentaires récents de l'opposition libérale Michael Ignatieff auraient fait dérailler la candidature du Canada à l'ONU. On a aussi le CJPMO et d'autres qui ont suivi le recul du Canada sur la scène internationale ces dernières années, un recul en partie causé par sa prise de position partielle sur la question du Moyen-Orient. Donc, voilà quoi. Donc, le Canada devra attendre encore 10 ans avant de pouvoir demander une place au sein du corps le plus prestigieux de l'ONU. N'est-ce pas incroyable? Donc, plusieurs nouvelles, allez voir à ce niveau-là. Donc, le Canada, là, vraiment, là, a pris une sérieuse débarque. Et dernier petit article avant de partir en pause, c'est l'exode des conseillers juifs ou à double nationalité israélienne de la Maison Blanche, qui n'est sans doute pas de bon augure. Nous expliquons sur Alter Info un article écrit par l'excellent Marc Glenn. Ça aussi, là, c'est assez particulier. Vous avez les derniers développements là qui sont particulièrement inquiétants. Le fait que Rahm Emanuel n'est pas le seul VIP au sein des intérêts sionistes organisés à partir de cette façon. Peu après l'annonce d'Emmanuel, vous savez, le monde politique a été secoué d'entendre coup sur coup, littéralement, à moins de 2 jours d'intervalle, que deux collègues d'Emmanuel, à savoir David Axelrod, principal conseiller politique d'Obama, et Larry Summer, qui est premier conseiller en matière économique, ont annoncé qu'ils quittaient aussi l'exécutif. Le fait que ces annonces soient intervenues à un tel rythme indique non seulement une coordination entre tous les acteurs concernés, mais aussi la forme de coordination la plus détestable qui soit, à savoir la collusion. Il faut aussi ajouter en tant que tant qu'Axelrod et Summers, bien que se trouvant sûrement en déposition, ne leur assurant certainement pas une vue d'aigle aussi avantageuse pour Israël que celle d'Emmanuel, étaient à des postes d'écoute importants vis-à-vis des travaux internes de la Maison-Blanche d'Obama et que, partant, leur absence doit représenter elle aussi une grande perte pour l'État juif en termes de renseignements humains. À cela, il faut ajouter aussi l'absence remarquée d'Israël dans le discours prononcé par Obama à l'Assemblée générale de l'ONU au cours de la troisième semaine de septembre, un événement sans précédent en tant que tel, ainsi que le message envoyé à Obama si fortement que même un sourd dans un concert de Led Zeppelin aurait pu l'entendre se faire reprocher que nous, peuple juif, nous vous tournons le dos, Monsieur le Président, et nous nous en allons. Alors, c'est une citation de l'article que je vous invite à aller lire. Alors, on apprend que là-dedans, justement, là, il y a des coups qui viennent d'être administrés à l'administration Obama qu'on se présente. On se présente là en disant qu'écoutez, là, clac, une belle chiffre en plein visage. Vous ne poussez pas assez nos intérêts. Et puis, on est peut-être en train de préparer un certain coup. Alors, peut-être une guerre contre l'Iran, alors une attaque israélienne contre l'Iran. Et puis, ça mettrait évidemment le président américain dans l'eau extrêmement chaude. Donc, un article très intéressant à aller voir qui pourrait laisser entendre peut-être que justement on a une guerre qui s'en vient contre l'Iran. Une autre nouvelle ici dans le même sens qui vient du Guardian. Et puis, vous avez Ellen Thomas qui était la plus vieille représentante en fait à la Maison-Blanche là, des correspondants. Donc, une journaliste qui, elle, a été renvoyée alors qu'elle a fait un commentaire, avait demandé justement aux Israéliens de quitter les territoires palestiniens, d'évacuer la place. Alors, elle a été renvoyée. On ne peut pas critiquer l'État israélien. Puis, elle a déclaré sur une station de radio que, justement, on ne peut pas critiquer l'État d'Israël dans ce pays en parlant des États-Unis et survivre. Alors, voilà, ça vient quand même là, d'une ancienne correspondante, là, une journaliste de très, très longue haleine. Je crois qu'il y a au-dessus de 80 ans. Donc, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause musicale et puis on va revenir après ça avec quelques nouvelles en vrac, avec l'histoire du H1N1. Et aussi un peu là, dans le bloc réchauffement climatique. Alors, on se retrouve tout de suite après ça. Excellente chanson, la goutte d'or de Saint-Germain. Alors, on continue, il nous reste moins d'une vingtaine de minutes. On va essayer de couvrir un peu le refroidissement climatique. Moi, j'appelle même ça changement climatique, ni réchauffement, mais non, c'est refroidissement climatique. Oui, vous avez plusieurs raisons de croire qu'il y a un refroidissement climatique parce que ça se refroidit partout et puis ça vient constamment partout dans les nouvelles. Alors, réellement, vous allez trouver une série de nouvelles à ce sujet-là. Vous avez un lien ici, 800 raisons de questionner le réchauffement climatique. Alors, ça aussi, là, vous avez une liste de 800 documents rédigés par des scientifiques respectés et puis vous avez vraiment là une liste absolument impressionnante là justement de papiers comme ça, de documents de recherche là, qui vraiment donnent des raisons très, très, très, très légitimes de se questionner par rapport à ça, alors que dans ma tête, et je crois dans plusieurs personnes, ça fait longtemps que c'est réglé, on sait que c'est une fraude. Oui, il y a des réchauffements, oui, il y a des refroidissements, c'est naturel, c'est cyclique, ça se produit depuis le début de l'existence de la planète Terre. OK. Alors, allez voir ça. Ensuite, vous avez un article ici sur justement les émissions de CO2. On parle ici de la Terre qui est beaucoup plus, justement, qui peut réagir, qui s'adapte. L'adaptabilité de la planète Terre est beaucoup plus surprenante qu'on pouvait le penser. Finalement, on dit que les taux de CO2, qui est supposément dû à l'activité humaine, ne sont à peine détectables. Oui, on a eu des hausses de CO2, sauf qu'on se retrouve finalement devant la question à savoir si on sait réellement si ces émissions de gaz venaient réellement de l'homme ou si elles venaient de sources naturelles et aussi la question de leur ampleur réelle. Alors, vous avez cet article qui discute de cela et on se rend compte ici que finalement, les émissions de gaz à effet de serre ont été mesurées utilisant des données statistiques sans tester réellement les résultats avec les augmentations réelles de ces gaz dans l'atmosphère. Okay? Alors, on se retrouve finalement avec cette gang du culte du réchauffement climatique qui n'ont jamais réellement mesuré les niveaux de CO2 dans l'atmosphère pour voir s'ils s'alignaient avec leur modèle statistique. Okay? Alors, voilà que, encore là, on voit ici la dichotomie totale entre la réalité et puis leur modèle informatique qui sont complètement fantasmagoriques et puis imaginés. Alors, un article très intéressant. On apprend ici dans un autre article que les plantes nettoie plus de pollution de l'air que ce qu'on pensait dans le passé. Alors, une autre nouvelle très intéressante, une nouvelle recherche qui a été menée par des scientifiques du National Center for Atmospheric Research montre que les plantes nettoient plus haut degré, vraiment là, beaucoup plus qu'on le pensait, l'air, la pollution de l'air, OK? Alors, on ne parle pas juste là, ici là, de nettoyer là, le CO2, quoi que ce soit, mais on parle également là, de différents composés organiques volatiles qui se retrouvent dans l'air, qui sont émis autant par l'homme que par des sources non humaines qui ont des effets sérieux sur la santé et sur l'environnement, sont nettoyés par ces plantes-là jusqu'à 4 fois plus rapidement que ce qu'on pensait dans le passé. Alors, voilà qui est quand même là, de quoi là, de considérable. Donc, allez voir ça. On dit que dans le niveau global, vous avez les plantes qui nettoient au-dessus de 36% de justement de ces gaz qui sont dangereux pour l'environnement et puis la santé. Vous avez différentes nouvelles ici en Utah se prépare pour un des pires hivers. Vous avez une autre nouvelle ici où on parle de neige précoce à Snowshoe. La neige aussi qui est tombée au Vermont sur le dessus des montagnes. Alors, on en avance. L'hiver qui est déjà arrivé dans différentes vallées aux États-Unis. Vous avez Mammoth Mountain qui se retrouve avec de la neige aussi. Beaucoup de neige s'est retrouvée dans les montagnes suisses. Vous avez aussi de la neige en Angleterre qui est tombée. Imaginez-vous donc, vous avez plusieurs articles à aller voir sur ça. Des températures beaucoup plus froides et de la neige imprévue qui arrive encore là de façon précoce au New Jersey. Allez voir ça, c'est quand même là une série de nouvelles. En Sibérie, la même affaire, on dit que là, vous avez déjà un Arctique beaucoup plus froid, vous avez des vents qui descendent, alors vous avez justement des vents sibériens comme ça qui signalent qu'on va avoir un Arctique très froid aussi en Russie. En Angleterre, on a connu au mois d'octobre la nuit la plus froide depuis 17 ans, alors qu'on est descendu sous la barre des moins 6 degrés. Alors imaginez la neige qui est tombée aussi au mont Fuji au Japon. Voyez là, c'est un peu partout. Vous avez l'activité des cyclones qui a descendu. On est à un record là d'inactivité, de 33 ans, imaginez. Donc, on disait qu'il était pas plus de tempêtes et d'ouragans et puis tout. Là, regardez, ça fait. Là, on compile ces données-là et puis là, on arrive avec. Écoutez, là, on a un bas, on a un creux, on a atteint un creux qu'on n'a pas vu depuis 33 ans, OK, au niveau des cyclones tropicaux. Donc, c'est incroyable, les ouragans qui sont en baisse. Okay? Vous avez ici une ligne dans le temps, un article qui parle justement d'une timeline ici de 1895 à aller jusqu'à 2009, où on voit que les scientifiques, en parenthèse du climat, hein, depuis 114 ans, nous lancent tout le temps ces fameuses peurs, okay? Comme quoi que là, vous allez avoir un refroidissement climatique qui va tous nous tuer, et puis après ça va être un réchauffement climatique qui va tous nous tuer, après ça revient au froid, et puis au chaud, puis au froid, puis au chaud, puis à toutes les fois, on vous dit qu'on va tous mourir, et puis finalement, ben, on est encore là, puis tout va bien. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il faudra arrêter de paniquer avec ça, puis de regarder hein, les choses pour ce qu'elles sont, et puis d'être un petit peu plus rationnel, hein? Donc, voilà qui est intéressant. On apprend dans une autre nouvelle ici qu'on a justement essayé de couvrir le fait qu'on a eu ce qu'on appelle le Medieval Warm Period, alors la période chaude médiévale, et qui montre que justement, ce n'est pas la première fois dans l'histoire climatique, même relativement récemment, qu'on connaît aussi des réchauffements. Alors, on a connu des températures même plus élevées, il y a environ 1000 ans. Et puis, dans ce temps-là, ben, on n'avait pas de CO2 produit par l'homme et ses machines et puis les voitures, vous comprenez? Donc, ça, on essayait de dissimuler ça parce qu'évidemment, ben, ça regardait mal parce qu'on essayait de vous faire passer l'histoire du hockey stick, là, hein, le truc là, qui avait l'air d'un bâton de hockey là, avec température subite là, depuis 1998. Et puis là, on disait, ah, ça s'est jamais passé dans le passé. Ben, écoutez, oui, ça s'est déjà passé, ça a déjà été même pire. Et puis, ça n'a pas été la fin du monde. On passe plus proche de la fin du monde quand on a un refroidissement climatique et puis vous vous retrouvez avec un Canada qui est sous quelques kilomètres de glace. Là, ça commence à être un peu plus critique. Donc, allez voir ça. Et puis là, vous avez eu la dernière folie, justement, dans ce dossier du réchauffement climatique, où là, on essaye de vous dire que là, l'action de fumer des cigarettes nuit au réchauffement climatique, nuit en fait au climat global et puis cause le réchauffement climatique. Alors, on dit que maintenant, de fumer des cigarettes produisent deux gaz à effet de serre qui altèrent l'atmosphère et qui sont directement reliés au changement climatique. Alors, je veux dire, à un moment donné, là, quand vous êtes complètement désespéré, ben, vous émettez des nouvelles complètement débiles comme ça. Okay? Donc, le problème est que, en plus, là, on va parler de ça dans les prochaines semaines, là, avec le fameux Nouveau Québec ici, le nouveau Réseau Liberté, puis la Force Québec, là. Vous voyez que justement, on a réussi à défaire toute cette niaiserie, cette propagande totale, cette campagne de peur pour essayer de vous extraire des taxes internationales. Et puis, maintenant que là, on a réussi à établir que c'est une fraude totale, vous allez voir des nouveaux groupes politiques comme ça, comme Réseau Liberté Québec, qui vont essayer de récupérer ça. Alors, vous allez voir que le problème est que le climato-scepticisme, finalement, là, en dépit de la vérité qui s'y trouve, est compatible avec ce que les néocons et puis ces gens-là, vous voyez, la droite économique puis tout, veulent, hein, d'être compatibles avec leur agenda, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer cela et essayer d'en faire la preuve que c'est eux qui vous rapportent la vérité, puis vous faire tomber dans le panneau. Alors, on va revenir aussi, ça c'est un sujet assez épineux, puis on va revenir plus dans le plus sur ça dans un futur assez rapproché. Bon, rapidement, écoutez, là, vous avez en économie, je vais parler un peu d'économie aussi, là, vous avez des nouvelles. Ici, on parle, là, j'ai un auditeur ou une auditrice, je suis plus certain, c'est un ou une, en tout cas, on m'a écrit en disant que vous avez des négociations qui ont lieu entre l'Union européenne et puis le Canada en vue d'un soi-disant accord économique, un accord global commercial. Alors, il s'agit d'une menace importante pour le Canada, effectivement, parce que cela va avoir potentiellement des conséquences négatives aussi du côté européen, mais surtout ici du côté canadien. Je vous ai mis des articles en lien par rapport à ça. Vous savez, il s'agit d'un amalgame de périls qui touche des domaines très divers, autant de la souveraineté alimentaire au développement local. Sont visés notamment les semences, les agriculteurs qui ne seraient plus autorisés à conserver ou à vendre de ces semences, le droit des municipalités à favoriser le commerce local et le développement local aussi. Donc, vous avez un réseau qui s'appelle le Réseau pour le commerce juste, qui a un site web et vous allez trouver l'adresse sur les nouvelles internationales qui présente une bonne vue d'ensemble de cette attaque tyrannique. Et puis, vous avez aussi là un autre article que j'ai mis en ligne qui s'appelle Les accords économiques et commerciaux entre l'Union européenne et le Canada. Les entreprises transnationales ne feront pas la loi. Alors, on est en train d'essayer de revivre un peu là, le spectre de l'AMI. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, l'AMI qui avait été défaite à Seattle et qui menaçait finalement de mettre en place là, des structures légales comme quoi que les grandes multinationales auraient plus de pouvoir que nos gouvernements, c'est-à-dire que si on mettait en place des lois pour protéger l'environnement ou protéger le public ou les travailleurs, et que cela nuirait au profit de ces grandes multinationales-là, alors les multinationales auraient eu le droit de revenir en cour contre le gouvernement et puis nous traîner en cour et puis les compenser pour la perte de profit. Imaginez, je veux dire, dictature totale des multinationales du secteur corporatif. Et puis on avait réussi à défaire ça, sauf que là, c'est en train de revenir sous une différente forme qui ressemble pareil à exactement à ça. Et puis c'est cet accord économique commercial entre l'Union européenne et le Canada. Alors, vous avez la crise qui affecte toujours les populations, nos gouvernements qui persistent à vouloir imposer en catimini des règles de droit politiquement antidémocratiques et néfastes pour l'économie, surtout pour les populations, autant de l'Europe que pour le Canada. Donc, allez voir ça, des nouvelles assez intéressantes. On en est rendu à 4 séances de négociations qui ont déjà eu lieu. La cinquième s'est déroulée le 22 octobre et puis vous allez avoir une conclusion de tout ça en 2011. Seuls les lobbies d'affaires sont consultés en bonne et due forme alors que les enjeux dépassent de loin de strictes questions commerciales. Malgré l'opacité des négociations, une fuite révélant le projet de l'accord et certains documents officiels ont permis de saisir les principales cibles de cet accord. Cet accord libéralisera et déréglementera encore plus le secteur de l'économie que les autres accords de libre-échange et risque entre autres de poser une menace pour nos services publics, d'autoriser massivement les OGM et d'entraver toute régulation sociale et environnementale sérieuse. Il constitue en outre un premier pas vers la formation d'une vaste zone de libre-échange regroupant les pays de l'ALENA et ceux de l'Union européenne, qui se fera au sacrifice des protections sociales, de réglementations environnementales et des services publics. Alors, on parle ici d'une monstruosité juridique. Allez voir ça. C'est vraiment le but d'essentiellement d'assurer le profit à court terme des entreprises transnationales des deux côtés atlantiques. Puis, évidemment, de donner à ces entreprises le moyen de faire interdire par un organe de règlement des différends toute réglementation qui pourrait diminuer leur profit potentiel actuel et même futur. De quoi de très important sur lequel il faut s'informer. C'est un combat pour la démocratie ici, là, qui a déjà lieu. Donc, c'est un second combat contre une autre forme de l'AMI. Alors, ça a été signé par différentes personnes ici au Québec, dont Normand Baillargeon, qui est professeur à l'UQAM, Maude Barlot, président du Conseil des Canadiens, José Bové, député européen. Vous avez des économistes, vous avez des gens de Attaque France, Naomi Klein, qui est journaliste et auteur. Vous avez Peter Duprecq, qui est professeur du droit international public à l'UQAM, ancien secrétaire général et adjoint directeur des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. Ricardo Petrella, président de l'Institut européen des recherches sur la politique de l'eau. Vous avez Stephen Lewis, ancien ambassadeur du Canada à l'ONU. Et puis, différentes autres personnes très intéressantes à aller voir. Donc, ça a été publié aussi par mondialisation.ca et dans Le Devoir, l'édition du 20 octobre 2010. Donc, il y a plusieurs indices que ça va continuer de brasser. Vous avez un tsunami financier, deuxième vague qui est en route. Vous avez des 12 signes comme quoi que vous avez une crise dans les marchés financiers mondiaux. Un autre article ici, des 27 signes comme quoi que les standards de vie de la classe moyenne sont en train de tomber. Vous avez toutes sortes ici de liens là, qui vous montrent là, vraiment là, avec des signes très clairs que l'économie est en train de s'effondrer aux États-Unis. Vous avez le fameux code des reprises de finances aux États-Unis. Je vais écrire un article la semaine prochaine sur ça. C'est totalement débile. Une fraude de 45 trillions de dollars. Alors, je vais revenir plus en détail là-dessus la semaine prochaine, ça c'est certain. Après ça, vous avez un autre article, c'est 12 signes très importants que les marchés financiers s'effondrent. Alors, ça, je l'ai tout détaillé. Ensuite, un autre article, c'est 30 raisons de croire que les personnes devraient être vraiment nerveuses à propos de l'état de l'économie aux États-Unis. Alors, aussi, un autre truc à aller voir. Ici, vous avez une liste des 10 pays avec le ratio de leur production interne et puis de l'inflation. Alors, vous avez là ici l'Irlande qui se retrouve avec un ratio de 993 % Vous voyez là vraiment là, vous avez un paquet de paquet de pays là, qui risquent de tomber comme des dominos là. C'est incroyable de voir le ratio de la dette de ces pays par rapport à ce qu'ils génèrent à l'intérieur. Alors c'est absolument fascinant de voir ça. En deuxième lieu, vous avez la Grande-Bretagne, le Portugal, ensuite la France, la Grèce, l'Espagne, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie, les États-Unis. OK. Ensuite, vous avez la charte de l'inflation dans le monde. Alors, vous allez voir l'inflation aussi qui augmente dans le monde à propos des denrées de base. Je parlais de ça. Le blé qui a augmenté de 74 %. Ça, c'est juste cette année. Le maïs de 14 %. Vous avez l'avoine de 68 %. Le canola 36 %. L'huile à cuisson de 29 %. La gasoline 25 %. Le gaz naturel de 15 %. Vous voyez l'inflation là vraiment là dans les coûts là, de base des gens là. Ok, là, donc on parle depuis un an là. Absolument percutant. Le bœuf a augmenté de 18 %. Le porc de 60 %. Le café de 27 %. Le sucre 40 4 %, le coton, 66 %, le coton qui est en augmentation record sur 140 ans, ça s'est jamais vu des prix aussi élevés que ça. Le cuivre, 37 %, l'or, 31 %, l'argent, 36 %. Donc, voyez là que l'inflation augmente partout dans le monde. Bernanke qui menace d'aller nucléaire, c'est-à-dire qu'il va commencer à imprimer de l'argent comme c'est de l'eau. Alors, on parle d'hyperinflation qui pointe son nez à l'horizon. Vous avez Geithner qui a menti par rapport à l'argent qu'il a donné à AIG. On parle de 40 millions de dollars qui a été caché en perte. Alors, vraiment, vous voyez, là, c'est incroyable. Vous avez Elliott Spitzer, lui qui a nommé sur MSNBC la banque, la Fed aux États-Unis, la banque centrale comme étant un schéma de Ponzi, une pyramide de Ponzi. Alors, réellement, vous allez voir ça la semaine prochaine en plus de détails. Vous avez les chefs des banques centrales qui se sont rencontrés dans un sommet du FMI à Shanghai. Alors, on parle ici des guerres de la monnaie, alors qui risquent de rentrer en compétition les unes contre les autres. Et puis, ce qui risque évidemment essentiellement dégénérer en guerre mondiale ou bien non, tout simplement en guerre vraiment puissante là, en différents pays avec via leur monnaie. Alors, voilà quoi, ça fait pas mal de nouvelles. J'ai pas eu le temps de parler de la santé, mon Dieu. Vous avez différents niveaux à les voir, là, taxation sans représentation, un autre ici en Europe, quelqu'un qui parle justement de la classe moyenne qui sont rendus des esclaves par les taxes, via les taxes. Alors, vraiment, là, c'est quelque chose à aller voir. Les États-Unis qui risquent d'avoir un déficit de 1,5 trillion de dollars en 2010. Alors imaginez, je veux dire, on dépense de l'argent, c'est complètement déluré, là, je veux dire. Ensuite, vous avez Margaret Kennedy qui parle d'une économie sans des intérêts composés. Alors allez voir ça sans intérêt. Très intéressant aussi, allez voir la solution par rapport à ça ou de la retrouver dans l'entrevue de la semaine passée. N'oubliez pas d'aller voir ça si vous n'avez pas écouté cette émission. Donc, vraiment incroyable. L'Illinois qui risque d'avoir un trou de 10 millions de dollars pour son fonds de pension. Les gens qui vont se retrouver sans fonds de pension, complètement inquiétant aussi, là, je veux dire. Donc, c'est à peu près ça, là. On va se quitter sur ces dernières nouvelles économiques, là. Donc, vous allez en retrouver, là, encore un peu plus. Je vais vous laisser les découvrir par vous-même. Les banquiers privés qui, eux, continuent d'empocher 144 milliards de dollars en profit puis en bonus, alors des records de bonus sur les marchés financiers. Alors, vous êtes en train de mourir, tandis que les autres, ils encaissent l'argent. Alors, vous voyez bien que c'est un transfert d'argent qui est en train de se faire. On va donner plus de pouvoir à ces banquiers-là, en plus, pour taxer les Américains, maintenant, pour essayer de même reprendre les finances et collecter des taxes sur ce qu'on appelle les gens qui sont en délinquance financière. Alors, c'est assez incroyable. Vous avez ces banques-là qui ont reçu l'argent des payeurs de taxes, ces gens-là qui ont créé la crise économique, et puis maintenant on va leur donner le pouvoir de monter des taxes encore plus contre les Américains. Alors, imaginez ces banques-là, c'est complètement débile. Les banques continuent de fermer aux États-Unis, on a fermé d'autres banques. Vous avez des nouvelles par rapport à ça. Donc, écoutez, là, je veux dire, la classe moyenne qui prend vraiment des claques en pleine face, là, je veux dire, là, mettons, t'es en train de vider les fonds de pension, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Donc, allez retrouver ça, toutes ces nouvelles-là. Donc, en France aussi, bravo aux Français qui, eux autres, ont manifesté en masse. Là, on parle des manifestations qu'on n'a pas vues depuis 40 ans. On ne veut pas monter justement la date limite là, pour prendre la retraite. Alors, des troupes, des attroupements partout, des grèves générales. On parle de millions de personnes qui sont descendues dans les rues contre Sarkozy. Ça aussi, là, c'est assez particulier. On parle de l'État français qui perd, en fait, c'est les coûts économiques, là, 557 millions de dollars par jour à cause de toutes ces démonstrations-là. Sarkozy qui va défendre son château fort avec maintenant ses forces anti-émeute, et puis on va maintenant matraquer le peuple français. Alors, allez voir ça. Des millions de Français qui ont démontré dans les rues, vraiment débile, aller voir ça, les vidéos. Donc, nous, on se quitte là-dessus. C'est tout pour cette semaine. Écoutez, j'aurais aimé parler là, du H1N1 et tout ça. On va essayer d'en parler la semaine prochaine. Il y avait des nouvelles très importantes sur la vaccination. On essaie de vous épeurer encore là avec ça cette année. Différentes nouvelles aussi là, de collusion dans le domaine pharmaceutique et puis les docteurs. Donc, ne manquez pas ça la semaine prochaine. Grosse émission sur la fraude des reprises de finances des États-Unis, H1N1 et puis encore plus. Alors, moi, je salue bien bas. Merci d'être à l'écoute. C'est tout le temps un plaisir de vous avoir. C'était François Marchand pour l'autre monde. Ciao, bye!